tout de suite sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio cousue main, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, Violée, une histoire de domination. Une série de Clémence Alzard, réalisée par Séverine Cassard. Au départ de cette série, il y a des statistiques implacables. 22 900 personnes violées en 2019. La certitude qu'il y a autre chose à dire sur le viol et d'autres choses à inventer pour tenter de réparer ou au moins de reprendre la main. Alors pour commencer, les personnages. Une femme qui a tout compris, une militante désabusée, une avocate en colère, des femmes qui s'en remettent à elles-mêmes, un chercheur qui démêle, une jeune femme qui écrit et une historienne qui se positionne. Ensuite, le décor, des textes, des collectifs, des procès, des lois, la culpabilité, des larmes solidaires, une séance d'autodéfense, des collages, le racisme, l'autosupport et la panique qui doit changer de camp. Aujourd'hui, 4e épisode, on se pose des questions et si on a les oreilles sensibles, on peut s'éloigner du poste. Moi, j'ai porté plainte, par exemple. Et sur la question, oui, d'être anticarcéral, tout ça, tu portes plainte, bien sûr que moi, je suis pas pour le système carcéral, que je me pose la question. Mais en fait, je fais quoi? Je fais quoi avec lui qui violait avant et qui m'a violée? Et au moins là, il va pas violer pendant quelques années. Moi, je pense aussi aux meufs qui va pas violer, quoi. Violée, une histoire de domination. Se défendre, par Clémence Alzard et Séverine Cassard. Et pourquoi on demande toujours, souvent, c'est dans les affaires de violence sexuelle où cette question-là, elle se pose, quoi? Ou de la culpabilisation de si t'as porté plainte et que ça va servir à rien et que... Du coup, je culpabilisais, je me disais, ah là là, mais j'ai porté plainte. Mais... Sauf qu'en fait, moi, je voulais pas demander de me violer. Franchement, ce mec, il est responsable de ce qu'il a fait. Ma vie, elle a basculé. C'est réel, ça, c'est vrai. Pourquoi je... Et puis surtout, vraiment, enfin, moi, je les vois, les visages de ces meufs qu'il va pas violer, là, pendant qu'il est en prison. Ah oui, on nous a tout de suite accusés, la gauche en particulier, même des femmes, alors là ça m'a fort choqué, de participer à la mise en prison de pauvres immigrés. Il faut penser à la misère sexuelle des hommes. Pas celle des femmes, hein, ça n'a jamais été prononcé, mais la misère sexuelle des hommes, les pauvres, enfin il faut les comprendre, etc. Enfin c'est ridicule quoi. C'était des arguments pour saper notre morale et pour nous minimiser et détruire notre combat, quoi. Le fait que nous avons osé porter plainte. Enfin, je veux dire, la prison, ce n'est pas nous les femmes qui avons instauré ce système. Ce sont les hommes. Ce sont les hommes qui sont responsables de tout le fonctionnement judiciaire et patriarcal de cette société. Je regrette, mais la faute est de leur côté, pas du nôtre. Hein? Alors stop quoi, basta. Violeur au-delà du périph, séducteur en deçà. Ainsi s'intitule un article de la sociologue Najat Zougari. Elle fait état du relativisme moral et raciste à l'œuvre dans la réprobation des violences sexuelles. Au cours des années 2000, la question dite des tournantes suscite un engouement médiatique certain. Des viols présumés dans les cités sont qualifiés comme tels, sans circonvolution sémantique. En 2011, Dominique Strauss-Kahn, alors président du FMI, coureur de jupons patentés, dit-on, est accusé de viol par Nafissatou Diallo, une femme de chambre de l'hôtel Sofitel à New York. Branle-bas de combat des éditorialistes pour euphémiser, voire légitimer, les faits. L'acmé est atteinte avec la désormais fameuse formule « un troussage de domestiques ». Violeur au-delà du périph, séducteur en deçà. Selon les chiffres du ministère de la Justice, 93 000 femmes ont subi des viols ou des tentatives de viol en 2016. La même année, 1012 condamnations ont été recensées pour viol. Environ 1% des auteurs sont condamnés. Des chiffres toujours. Selon une étude du collectif féministe contre le viol menée en 2012 sur 300 agresseurs, ceux-ci seraient particulièrement présents dans les professions suivantes. Médical et paramédical, enseignement et animation, responsabilité d'encadrement, métier de la loi et de l'ordre. Pourtant, selon une étude de 2010 de la sociologue Véronique Le Goasiou, sur 425 dossiers de viol jugés en cour d'assises, 93% des violeurs présumés sont issus des classes populaires. La même sociologue déclare « La victime est la grande oubliée du procès pénal. Quiconque assiste à un procès d'assises pour viol s'en rend rapidement compte. » Elle interroge « Viol, que fait la justice ?» Alors que le montage de cet épisode touchait à sa fin, j'ai appris la mort de celui qui m'avait violée il y a 18 ans. Les réflexions sur la justice au cœur de ce documentaire ont acquis une résonance particulière. Pour moi, c'est acté. La réparation l'exclut, lui, de l'équation. La justice sera autre. Penser à plusieurs voix, contre et en dehors de ce système, en est une forme. Gisèle Halimi, je l'ai connue en 75 lors d'une conférence qu'elle allait donner à Bruxelles. Et quand j'ai su qu'elle venait, j'ai foncé dans la foule, j'ai écarté tout le monde, je me suis plantée devant elle et je dis « Maître Halimi », j'ai raconté « Voilà, je suis Anne Tonglet » et ma compagne et moi avons été violées l'année passée à Marseille. Tout de suite, elle s'est arrêtée et elle a fait arrêter tout le monde, elle a empêché les gardes du corps de me retirer et elle a dit « Racontez-moi votre histoire ». 3 jours après, on avait un télégramme, parce qu'à ce moment-là, c'était encore la poste, et Gisèle Halimi nous a invités à Paris pour prendre contact avec Choisir, qui représentait des milliers de femmes à l'époque. Et voilà, c'est comme ça que ça a démarré. Tout frais payé, même pour le procès. Toute l'association nous a tenu vraiment la tête hors de l'eau. Tout ce qui était contingence disparaissait comme par miracle. On n'avait pas beaucoup d'argent, évidemment. On était jeunes, on commençait nos professions. Et puis, on était dans le pétrin, quoi. Ça coûte cher, quand même, un avocat ou une avocate. J'ai ici un article de Marie-Claire. Le viol nous a détruites, nous nous battons pour que ce drame n'existe plus. Et elle a décidé donc de rendre le procès et toutes les actions et les combats des femmes publics. Donc elle a fait appel à un maximum de journaux et de journalistes femmes. Et voilà, c'est grâce à elle que finalement la publicité des débats s'est constituée et a été quelque chose de très important pour la suite, pour l'histoire, quoi, je veux dire, hein, pour les lois aussi, pour le changement de la loi, quoi. Hein. Évidemment que la loi existait et reconnaissait le viol comme crime, mais cette loi faite par le Code Napoléon, et Napoléon, c'était en fait l'honneur des familles et surtout l'honneur du mari qui était attaqué par le viol. La femme, on n'en avait rien à cirer, on n'en parlait même pas. Et dans la loi commentée par Gisèle Halimi, proposée par Choisir, on redéfinissait le viol, en fait. C'était tout acte de pénétration, par quelque objet que ce soit, et où que ce soit, du corps d'une femme, ou d'une personne. On ne disait même plus une femme, on disait une personne, quelle qu'elle soit. C'était plus uniquement la pénétration du pénis dans le vagin. C'était n'importe quel objet ou n'importe quel attentat sexuel sur le corps d'une personne, par menace, surprise ou contrainte, sans le consentement donc de la personne. Mathilde Forger. Le huis clos, l'histoire du huis clos, c'est qu'au départ, ça a été proposé pour protéger les accusés, faire en sorte que ça ne se sache pas. Et après, ils ont changé juste le discours et ils ont dit « Oui, non, en fait, c'est pour la victime. » Bon, ouais, d'accord, ok, c'est pratique. D'ailleurs, ils m'ont posé la question à la barre. Ils m'ont demandé de parler de Virginie Despentes et pourquoi j'avais pas pris le huis clos, quoi. Moi, je leur ai dit « Mais en fait, mon intimité, soi-disant, là, elle a jamais été protégée jusqu'ici. Enfin, je veux dire, la procédure, c'était horrible. Ils ont demandé à mes ex comment je couchais, quoi. Et maintenant qu'on va le condamner, lui... On va faire ça, caché. Je comprends pas le projet, en fait, non ? C'est le moment qui est important. C'est ce moment-là qui est important. De dire à la société, un viol, c'est ça, c'est un crime, donc il va être condamné. C'est ça qu'il faut apprendre, quoi. Qu'il faut voir, qu'il faut expérimenter, qu'il faut entendre dans les journaux, tu vois, enfin... Mesdames et messieurs, bonsoir. Les curieux, qui étaient venus au palais de justice de Lyon hier avec l'intention plus ou moins avouée d'assister à un déballage scabreux en ont été pour leurs frais. Ils ont trouvé porte close. Le président des assises a jugé bon de prononcer le huis clos pour entendre un chauffeur de taxi, auteur d'attentat à la pudeur, c'est une formule, à l'égard de ces deux filles. Autrement dit, les affaires de mœurs et de viol en particulier ne seront pas systématiquement jugées en public, comme on l'a dit un peu vite. En revanche, il est certain que de plus en plus, elles seront jugées en assises et non plus en correctionnelle. C'est un signe des temps et de la société actuelle. À chaque époque son crime, le viol est un des fleurons de la délinquance moderne. Mais ce n'est pas par hasard. Si aujourd'hui on songe à la réprimer de plus en plus sévèrement et à appliquer avec fermeté le code pénal, la lutte des femmes pour essayer de régler elles-mêmes leurs propres problèmes y est certainement pour quelque chose. 26 juin 1976, ras le viol. De 14h à minuit, environ 3000 femmes sont réunies à la Mutualité à Paris. 10 heures contre le viol. La journaliste féministe Annie Cohen est de la partie. Il y a un viol toutes les 3 minutes en France à l'heure actuelle. Et particulièrement à la veille des vacances, les femmes qui font de l'autostop ou d'autres risquent quotidiennement d'être violées. À Paris, nous avons énormément de témoignages de femmes qui ont été violées dans les squares en rentrant le soir chez elles, qui ont été violées dans les HLM en rentrant chez elles, dans les ascenseurs. Et il y a un silence absolument terrifiant autour du viol. Les femmes n'osent pas dire qu'elles sont violées parce qu'elles ont dans la tête qu'elles sont quelque part responsables de ce qui leur arrive. C'est le fascisme, le viol. Et c'est contre ça qu'on lutte. Michèle Larouille, militante féministe radicale. Pour moi, c'est ça. Enfin, souvent, on le prenait là. Donc, elle est état de guerre, on commence ça. Donc, c'est un texte d'Annie Cohen qu'on a retrouvé aux archives lesbiennes quand on a fait une compilation de tous les textes, que ce soit des textes militants ou des textes plus théoriques sur le viol et les violences sexuelles, violences machistes. Donc, il date de 1976, les premières fois où il a été diffusé en tract. Dans quel état de guerre vivons-nous pour frôler les murs, baisser la tête, subir à longueur de vie la peur de rentrer? Je suis désolée, mais c'est difficile, en fait. J'ai avoir du mal. La peur de rentrer, de sortir, de marcher, de flâner. Dans quel état de guerre vivons-nous pour nous barricader à tout âge? Je suis désolée. À chaque fois, il me fait le même effet. Quand tu fais des groupes de parole, c'est ce que tu entends à longueur de temps. Donc, dans quel état de guerre vivons-nous pour nous barricader à tout âge derrière trois verrous et un Judas? Dans quel état de guerre vivons-nous pour voir derrière tout homme le violeur en puissance? La guerre existe et nous ne l'avons pas décidée et déclarée. À nous maintenant de nous défendre et d'y répondre. C'était en 76. Mais comment? Toutes les armes dissuasives ont été utilisées, toutes les persuasions ont été entreprises, toutes les astuces ont été imaginées pour calmer la bête et apaiser les appétits morbides et urgentissimes de ces messieurs. Comment trouver la force de vivre sans vengeance et sans justice? Quel est le peuple humilié et spolié qui n'ait un jour posé le problème de son rapport à la violence et qui ne l'ait utilisé à son compte? Or, le tabou est immense sur la violence des femmes. Qui ose la revendiquer? Qui ose l'utiliser? Quelle est cette peur infinie qui nous retient de désigner clairement l'ennemi? Pourquoi, à défaut de déclaration de guerre, les femmes font-elles des déclarations d'amour, sinon pour conjurer leur peur? Jusqu'à quand les hommes pourront-ils en toute impunité marcher sur nos vies sans craindre pour la leur? Jusqu'à quand les hommes battront-ils les femmes à sang, au sang, sans risquer de payer un jour, elle l'a mis entre guillemets. J'attends que les solutions pacifistes soient trouvées au problème de la violence des hommes. N'aurions-nous d'autres solutions extrêmes? Le port d'armes, autorisé à toutes les femmes citadines ou rurales, de la puberté à la mort. Le couvre-feu, décrété obligatoire pour tous les hommes de ce pays. La cour d'assises, la conquête sanglante d'une planète de rêve où la liberté pourrait enfin se conjurer. À moins qu'ici et maintenant les hommes ne s'interrogent sur leur sexualité malade. Imaginez deux secondes qu'ici et maintenant. Ils nous prennent de force et nous étouffent de leur pénis. Imaginez qu'ils nous font hurler de peur avec leurs besoins irrépressibles. Imaginez qu'ils nous donnent la mort. Imaginez maintenant le mépris qui nous habite et la conscience qu'il nous faut pour repousser cette haine meurtrière. 76. Alors effectivement, Annie Cohen, dans ce texte, elle va parler de d'armer les femmes, par exemple, ou d'imposer un couvre-feu aux hommes pour pouvoir se défendre ou se protéger. Mais elle se moque. Bien sûr. Non. Effectivement, c'est pas prendre au premier degré. Mais simplement, je me souviens d'une autre conversation qu'on a pu avoir ensemble, Michèle Haroui, et vous me parliez de parfois d'actions qui ont pu être faites contre des commissariats. Qu'est-ce que vous avez pu faire cette époque? Il y a très peu de temps, bien sûr. C'était récent. Ah oui, c'est vrai, c'était le même. Donc en 77, 78... une jeune fille subit un viol collectif de la part de la police de Saint-Denis dans leur car, dans leur espèce de camionnette. J'habitais à l'époque une cité, je rentrais très tard de différentes réunions sur Paris, et j'avais peur des flics qui déambulaient parce qu'il y avait un foyer de jeunes travailleurs, un foyer Sonacotra où les gars luttaient. Et donc, ils déambulaient et j'avais toujours la trouille et j'avais toujours dans les mains une brosse à cheveux et un trousseau de clés. Ça, c'est l'anecdote, mais c'est pour, comme toujours, le contexte. Donc, on apprend le viol de cette jeune femme, très jeune, hein, 13-14. Personne ne bouge. Nous, on est donc depuis un an en groupe femmes. Personne ne bouge, sauf nous. On fait une manif, on peut en trouver des traces dans Histoire d'elle. Et pas nous physiquement, parce qu'on est connus, le visage. Mais des copines vont bomber sur le commissariat, violeur, agresseur, et quelque chose de naturaliste. À l'époque, ça a fait plus débat que le reste, gros bitard, et voilà. Donc nous, le lendemain, on découvre, et ça fait un scandale dans Saint-Denis, on rigole bien, et on a réitéré cet hiver, donc l'hiver 2019, avant le Covid, des manifestations devant le commissariat, en mixité cette fois, puisque dans ce commissariat de Saint-Denis, l'accueil, quand des femmes subissaient violence, est très banalisé. Elles sont très peu écoutées, en tout cas l'accueil est courté. Et une des jeunes femmes qui a été en juillet dernier accueillie parce qu'elle subissait de grandes violences de son conjoint a été assassinée 2 jours après, puisqu'ils n'ont pas pris la plainte et que c'était pas la première fois qu'elle témoignait de ce qu'elle subissait. Voilà. Alors encore une fois, je ne stigmatise pas la ville où je vis et je considère que c'est au-delà des classes sociales. Quand les femmes subissent des violences, les hommes violents n'ont pas de couleur de peau. C'est clair et net pour moi. Il n'y a pas plus de violence chez les hommes les plus précaires. J'ai pu le constater 35 ans de ma vie en vivant dans les différentes cités et dans ma famille. Pour vraiment resignaler que l'homme violent et agresseur, il est de toute catégorie sociale. Et ce qu'on a pu constater dans les groupes de parole, c'est que des femmes qui ont le plus de mal à se libérer de l'emprise sont souvent, pas toujours, mais souvent des femmes dont le mari a tellement le bras long qu'il peut se payer 2 avocats, qui se fait faire des lettres de soutien par les amis autour de lui, alors s'il est médecin, s'il a une place politique, etc. Et que c'est ces femmes-là qui ont le plus de mal à s'en sortir, puisqu'ils peuvent même jusqu'à les envoyer en clinique psychiatrique, leur voler les enfants, etc. Alors je ne dis pas que ça ne se fait pas dans d'autres classes sociales, mais en tout cas, les moyens financiers font que monsieur, l'agresseur, quand il a les moyens, il se gêne pas et voilà. Septembre 2020, rendez-vous passerelle Simone de Beauvoir à Paris avec des colleuses, membres du mouvement Collage contre les féminicides. Elle, qui d'habitude tapisse les murs de feuilles A4 contre les violences patriarcales, participe ce jour à un cours d'autodéfense féministe. Vous êtes prêtes ? 1 ! Nickel ! Ça va ta bonne carte, 2 ! Vous en prenez un peu toute seule et après c'est moi qui donne le top. Je m'appelle Alice, j'ai 24 ans, je fais partie des coloreuses depuis février. Moi je m'appelle Camille, j'ai 30 ans, je suis militante féministe et colleuse depuis quelques mois. Moi je m'appelle Célia, j'ai 27 ans. Moi je pense que les collages et le self-défense, ça me permet vraiment de me réapproprier la rue. C'est un truc très bête, mais on se fait pas agresser que dans la rue, mais c'est un truc qui au quotidien pèse énormément. Et de marcher en sachant qu'on est perçu comme femme, on a forcément une peur, on a forcément des choses qui nous font plus peur qu'un homme en fait. Rentrer chez soi, enfin tout. Et du coup c'est ça, parce que moi ça me permet de me réapproprier cet espace-là sans avoir peur, en sachant que j'ai les armes aussi pour répondre. Le self-défense c'est vraiment ça, c'est, je me dis au pire, genre je sais quoi. Il y a un côté vraiment empouvoirant, un truc qu'on veut pas qu'on ait et qu'on prend. Moi je m'appelle Ophélie et je suis colleuse depuis presque un an maintenant. Et j'ai commencé les collages parce que j'ai toujours été féministe, mais j'avais besoin de m'engager, j'avais besoin de faire quelque chose de concret, de physique. Et pour moi, ça a été libérateur. J'ai en fait appris à me connaître et j'ai pris conscience de vécus très douloureux que j'avais complètement enfouis. J'ai compris que j'avais été violée, et par les collages, ça m'a permis de reprendre le pouvoir sur mon corps et sur tout ce qui s'était passé, et de pouvoir vraiment mettre des mots sur des actes et sur des choses qu'on m'avait jamais expliquées et que j'avais pas compris. Et avec les coloreuses, ce qui est très très fort, c'est la communauté en fait qui s'est créée, parce que c'est vraiment plus que des groupes, c'est une vraie communauté, et il y a une réelle entraide, peu importe qu'on se connaisse ou qu'on se connaisse pas. Le moment où on va coller, c'est un moment hors du temps. Ce qui m'a beaucoup plu, c'était aussi de faire comme on avait envie, de pas respecter les règles, de dire en fait merde, vous voulez pas qu'on le fasse, on le fait et on prend le pouvoir. À la fin des années 70, il y a aussi beaucoup de féministes radicales ou dites révolutionnaires ou lesbiennes plus ou moins féministes et radicales qui vont s'organiser et créer des actions anti-drague. Donc actions anti-drague de nuit, par exemple, sur Paris et région parisienne, on déboulait une fois par mois, le samedi soir, et on faisait peur aux mecs. Michel Larouy. Souvent des mecs solitaires. En tout cas, on faisait gaffe. Donc, on faisait peur comment? On les encerclait. Et on avait la pratique, leur pratique, on faisait du harcèlement, en fait. C'est-à-dire, du harcèlement oral. Alors, t'as un beau cul, etc. C'est-à-dire, voilà. Et les mecs étaient terrorisés. C'est-à-dire que la plupart du temps, bon, c'était jamais plus que un ou deux, hein. Et en bande, par contre, c'était la violence. C'est-à-dire que nous, on commençait à faire du Wendo et des ateliers d'autodéfense. C'est quoi le Wendo ? Le Wendo, ça a été créé au Canada ou au Québec par des femmes pour des femmes. Et donc, c'est une pratique d'autodéfense que les hommes qui font aussi des sports de combat ne doivent pas connaître. C'est-à-dire des gestes et des pratiques physiques. Donc, se développe à l'époque ce genre de pratique et en même temps des tendances qui se disent « Ouh là là, ça commence à être un peu chaud, quoi, ça commence à être un peu violent ». Donc, dans le milieu féministe, cette fin des années 70, c'est des années de clivage aussi parmi nous. Juin 78, compte-rendu de réunion, publié dans le numéro 2 de la revue féministe libertaire « Colère ». Deux courants d'idées s'opposent. Les inconditionnels des assises, soutenus par le comité anti-viol, qui ne se posent aucun problème sur la justice et l'emprisonnement. Le fait même de poser ce problème leur semble une offense aux violés. Les autres, plus hétérogènes, sans idées précises, sans solution, mais dont le recours à cette justice bourgeoise ne convient pas. Alors que proposer concrètement ? Pratiquer l'autodéfense, faire des actions contre la presse sexiste, détourner les publicités, affiches dans le métro, dans la rue, éduquer les enfants sous d'autres critères que gentille et soumise pour la petite fille et viril pour le petit garçon. Mais toutes ces actions ne sont que préventives. Et que faire face à la révolte et à la colère d'une femme qui vient de se faire violer ? Dans notre groupe, certaines sont pour une action directe telle que bomber les murs du violeur, badigeonner le mec avec de l'encre indélébile ou toute autre forme d'action violente et marquante. La vie dans cette société étant au mieux d'un ennui total. Et aucun aspect de cette société ne concernant les femmes, virgule. Il ne reste plus aux femmes à l'esprit civique, virgule. Aux femmes responsables, virgule. Aux femmes aventureuses, qu'à renverser le gouvernement, virgule, et détruire le sexe mâle, point. Gwenola Ricordo, professeur de criminologie. On parle de justice bourgeoise, mais on ne parle pas de justice raciste. Et je ne suis pas historienne, mais je crois que quand même une des choses qui avait frappé certaines féministes après les premières condamnations aux assises pour crimes, c'est que pour l'essentiel, les hommes condamnés étaient des hommes issus de l'immigration, de l'histoire coloniale, chose qu'aujourd'hui on voit encore, hein, leur extrême surreprésentation parmi les personnes qui sont condamnées pour ce type de faits. Donc justice bourgeoise, justice raciste, justice patriarcale, je pense que c'est difficile de pas au moins mettre les trois adjectifs ensemble. Ah oui, aussi, peut-être. Et il était de quelle couleur, ton violeur ? Mathilde Forger. Il était de quelle couleur, mon violeur ? Il était de la couleur de l'enfer, de la couleur de mon sang, de la couleur de la misogynie. Il était d'une couleur que beaucoup d'hommes portent. Et en fait, ça aussi, c'est insupportable. Quand j'entends, souvent quand même, c'est un noir ou un arabe qui a été condamné pour viol. En fait, tu sais pourquoi ? Quand eux sont dans le box des accusés... Là, on imagine bien la scène. Là, oui, a priori, ouais, ça nous paraît possible. Quand on met un homme blanc, on se pose plus de questions, on est moins sûr. S'ils sont plus condamnés, c'est parce qu'on vit dans une société raciste, avec une justice raciste, pas parce qu'ils violent plus. Si tu récupères nos viols pour nourrir tes discours racistes, tu nous tues une deuxième fois. Dites-moi, vous n'avez rien remarqué de particulier dans les heures qui ont précédé le... Non. Je vois pas. Si, tout de même. Enfin, dans ces cas-là, n'est-ce pas, il vaut mieux tout dire. Bien sûr. Eh bien voilà, hier, nous étions au bal, tranquillement, en famille, quand... comment vous dire... des Arabes sont arrivés. Ils ont commencé à embêter Brigitte et on a été obligé de... enfin, d'intervenir, quoi. Et... il y a eu de la bagarre ou... Non, à peine, monsieur. Je crois même qu'on s'est énervé un peu vite et... ils n'avaient rien fait de mal, les Arabes. Oui, n'empêche que les gendarmes les ont quand même emmenés. Et puis, ce n'est peut-être qu'une coïncidence, mais la petite, c'est tout de même du côté du baraquement des Arabes qu'on l'a retrouvée. Eh bien, mais c'est très intéressant, tout cela. 1975. Dupont-la-Joie, d'Yves Boissé, met en scène Isabelle Huppert dans le rôle de Brigitte, 17 ans, violée et tuée par un cafetier. Et raconte l'accusation à tort d'un travailleur immigré qui sera assassiné lors d'une ratonnade. Depuis les années 60, l'extrême droite française chante le désormais bien connu refrain du « ils violent nos femmes », l'efficace fantasme de la menace sexuelle, l'arabe au sexe couteau. Et ce, malgré les statistiques et travaux publiés démentant très clairement ces thèses. Todd Shepard est historien, auteur du livre « Mal décolonisation ». Dupont-la-Joie, bien sûr, le film, il va vraiment mettre en avant, en 75, je crois, cette question de le racisme sexuel dont subissent les hommes d'origine maghrébine, en l'occurrence des Algériens. Donc, c'est un film qui propose que c'est, on voit le viol, on comprend le viol c'est mauvais, mais ce qui doit être expliqué au public, c'est les accusations injustes contre les hommes maghrébins d'origine maghrébine en France. C'est-à-dire, au début des années 70, il y a un effort de la part des féministes de faire imposer le viol comme thématique. Au début, dans les un numéro spécial de Partisans, l'année zéro du féminisme en 1970, et le viol, c'est une des choses fondamentales qu'elle veut mettre en avant. Mais elles n'arrivent pas. Les féministes ont essayé et ont été rejeté, repoussé. Il faut vous taire maintenant parce que la lutte antiraciste va prendre la priorité. Donc, il y a des réflexions chez les féministes, comment faire? Et en 77, début de 78, il y a toute une série d'affaires judiciaires où c'est les Arabes qui sont mis devant. Notamment, il y a une affaire de viol d'un étudiant égyptien accusé et éventuellement trouvé coupable, qui viole une jeune femme qui habite sur le même palier, avec une chambre de bonne à côté de la sienne. Donc l'affaire de Brigitte, et dans ce procès, on voit une confrontation d'avocats qui étaient avant des alliés, et des avocates féministes vont dire... on a beaucoup de solidarité pour sa situation, il est face au racisme, mais c'est injuste, c'est impossible, on ne peut pas l'admettre qu'il viole comme ça, on ne demande pas. Et donc ça, c'est une tendance chez beaucoup de juristes féministes à ce moment. On ne demande pas qu'il soit mis en prison ou que la punition soit exemplaire. On veut que la société admette qu'elle va prendre en compte la question sérieuse du viol. Gisèle Halimi va dire dans un procès en 77... où l'accusé, éventuellement le coupable, est d'origine marocaine, je crois, va commencer son discours en tant que représentante avocate de la victime en disant « Moi, j'ai représenté Jamila, Boupacha, je connais donc les autres histoires de viol. » La première, c'était avec des soldats blonds, ils utilisaient une bouteille, donc elle fait référence à l'affaire de Jamila Boupacha pendant la guerre d'Algérie. Et elle va revenir en disant, c'est ce qu'il faut rappeler, c'est que le viol n'a rien à voir avec les origines immigrées, ce sont pas des chômeurs, ce sont pas des immigrés qui violent, ce sont les hommes. Et comme elle, toute une série d'autres féministes, notamment celle plus à gauche encore, va constamment dire, oui, c'est injuste, les seuls accusés, les seuls violeurs qui sont ramenés devant la justice, qui sont vraiment punis, ce sont pas la masse des violeurs selon elle, ce sont des bourgeois, des individus d'autorité, des policiers eux-mêmes, mais ceux qui sont punis sont les pauvres et sont presque tous maghrébins. Donc c'est un souci constant chez les féministes. Et Gisèle Halimi va dire très explicitement, on veut l'abaissement des peines pour tous les crimes. Elle va dire non, on veut que tous les crimes, il y a une dépénalisation massive, mais ne commençons pas avec le viol. Je peux dire quand même que d'avoir porté plainte, moi je vois ce que ça fait aussi, toutes celles qui essayent sans ça. Et c'est hyper dur, c'est hyper dur. Moi je me souviens que le flic, quand il m'a appelé et qu'il m'a dit « Ok, on a quelqu'un, il va falloir venir le reconnaître », c'est ce jour-là où j'ai pris les fameuses 12 douches. C'est ce jour-là où pour moi le viol s'est arrêté. Et ça a été hyper important pour moi qu'on le retrouve quand même, qu'on lui dise « En fait, t'avais pas le droit de faire ça ». Et je vois quand même, oui, ce que ça a tranquillisé chez moi. Et pas parce que je suis contente qu'il passe 15 ans en prison ou je sais pas quoi, mais à un moment donné, ouais, enfin, je vis dans une société et j'ai besoin qu'on reconnaisse que c'était un crime, que c'était pas possible, que je veux pas qu'il le refasse. Il y a quelque chose qui s'arrête un peu, je crois. J'ai mis du temps à le... Mais ouais, il y a quelque chose qui s'arrête. Voilà, après, ce qu'il faut savoir, c'est que si tu portes plainte, il faut avoir des preuves, et il n'y a pas de preuves, et donc ça peut être dur, mais... Et puis il y a ce mot-là de non-lieu, mais en fait, quand le crime, il a eu lieu dans ton corps et qu'on dit qu'il y a non-lieu, bah ouais, ok, je suis un non-corps, quoi, je suis rien, je... Faut que la justice, elle, soit réformée, ou je sais pas, faut réfléchir à... Pour l'instant, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Alors je sais que la question vous a été maintes fois posée, mais elle brûle à forcerie les lèvres. On peut être violé et abolitionniste ou critique du système pénal. Alors est-ce qu'il faut porter plainte, Gwenola Ricordo, quand on est victime de violences sexuelles? Il faut faire ce que l'on pense être bien dans sa propre situation pour se protéger, pour aller mieux, pour protéger peut-être d'autres personnes. Il peut y avoir des enfants ou d'autres potentielles victimes. Donc c'est une question à laquelle seule la victime a une réponse à donner. Je pense qu'il faut surtout pas juger ce type de décision. On sait que dans la dynamique, par exemple, des violences conjugales, la parole de la victime n'est pas prise au sérieux par l'agresseur. Et parfois, pour une victime, d'avoir dit « si ça continue, je vais aller porter plainte » et de finalement porter plainte, ben, c'est une manière de se redonner confiance en soi. Mais c'est aussi parfois une manière d'être cru par son entourage, parce que malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui pensent encore que si vous ne portez pas plainte, c'est que ce n'est pas vrai. Donc être abolitionniste, pour moi, c'est pas donner un code de morale, hein, en distribuant des bons et des mauvais points. Ne pas porter plainte, c'est parfois parce qu'on a la capacité de faire autrement. Donc c'est d'avoir d'autres formes de ressources, d'avoir un entourage bienveillant, d'avoir un entourage qui connaît ces problématiques. Et puis il y a des femmes qui ne peuvent pas porter plainte, hein, par exemple, parce qu'elles sont sans papier et qu'elles craignent, même si elles ont le droit formellement de porter plainte, mais elles peuvent craindre d'être arrêtées, déportées dans leur pays d'origine, etc. Et donc là, le fait de porter plainte, c'est pas une réponse qui peut être universelle. Par contre, ce qui est important, c'est de créer d'autres ressources pour éviter d'avoir à porter plainte. Vous dites que ce recours au pénal, ce n'est pas un échec individuel, mais un échec collectif. Qu'est-ce que ça veut dire ? Très très rarement, enfin je crois même pas me souvenir d'avoir entendu une femme me dire qu'elle avait été satisfaite de son recours au pénal, hein, que ce soit entre le dépôt de plainte, le jugement et même l'après peine purgée par un agresseur. Hein, tout ça va avec beaucoup de formes de violence, on parle même parfois de revictimation, c'est-à-dire que les victimes qui ont recours au pénal sont retraumatisées d'une certaine façon. Elles n'ont pas forcément le sentiment d'être protégées par les mesures qui sont prises. Il est attendu de la victime de montrer sa douleur. Hein. Vous ne pouvez pas être une victime qui va à un procès et qui dit « Ah bah les faits se sont déroulés il y a un an, mais maintenant tout va bien ». Pour être entendu comme victime, vous êtes obligé de donner à la justice un récit de malheur, un récit de la douleur et souvent même un récit de l'impossible guérison sans un procès. On est dans une société qui nous fait croire que le deuil, la guérison, passe par un procès, passe par une peine qui soit à la hauteur. Et là aussi, c'est quelque chose qu'on entend de façon extrêmement rituelle, hein, dire c'est une peine qui est à la hauteur de la douleur des victimes, etc. Mais qu'en est-il lorsqu'il n'y a pas de procès? Qu'en est-il lorsque l'auteur est mort? Bref, il y a plein de motifs d'insatisfaction. Et donc, je suis persuadée qu'on peut faire bien mieux que ce que le système pénal a à offrir, puisque ce que aujourd'hui le système pénal nous offre, c'est dans certains cas, pour certaines victimes, la punition de certains agresseurs. Donc, c'est une réponse qui se base uniquement sur la punition et cette idée d'une rétribution qui peut être assez satisfaisante pour les victimes dans un premier temps, puisque ça vient assouvir un certain désir de vengeance. Ce sentiment-là, je peux bien le comprendre. Mais évidemment, d'un point de vue collectif et à moyen terme et à long terme, cette solution, elle n'est pas satisfaisante, puisque qu'adviendra-t-il quand la personne ressortira? On parle très rarement des violences à caractère sexuel qui sont commises en prison, comme si en prison il ne pouvait pas y avoir d'autres victimes de ces personnes. Et donc la société ne progresse pas avec ce prononcé d'une punition. Le patriarcat, il est toujours là. On pourrait même penser qu'il s'en sort renforcé puisqu'il désigne certains hommes. Et donc finalement, on oublie de regarder la réalité, l'extrême banalité de ce qu'est la violence à caractère sexuel. Laure Murat, historienne. Ce qui est très intéressant dans le cas de Vanessa Springora et d'Adèle Haenel, c'est que la justice s'est auto-saisie de ces affaires. Vanessa Springora et Adèle Haenel n'ont pas demandé la poursuite de leur oppresseur ou de leur abuseur. Vanessa Springora dit très noir sur blanc que ce ne sont pas des monstres dont il s'agit, c'est d'un système. C'est à ça qu'il faut s'attaquer. Alors, le défaut du système judiciaire, c'est une longue chaîne, parce que tant que ces questions ne sont pas passées dans les mentalités, ce qui est évidemment extrêmement difficile à mesurer, comment des policiers, comment des avocats, comment des procureurs peuvent vraiment bien travailler? Comment des policiers peuvent travailler sous la houlette de quelqu'un qui est accusé de viol, le ministre de l'Intérieur actuel? De ce point de vue-là, je trouve extrêmement symbolique et je trouve que c'est un acte militant du gouvernement actuel et d'Emmanuel Macron de mettre Gérald Darmanin au ministère de l'Intérieur et Éric Dupond-Moretti à la justice, ouvertement sexiste et ouvertement hostile au mouvement MeToo. La priorité du quinquennat, c'est une vaste blague. La cause des femmes, oui, était une des priorités du quinquennat. Est-ce que aussi, il n'y a pas quelque chose de, en soi, complexe, qui est de répondre à des violences structurelles avec la justice, c'est-à-dire qu'après, va juger de cas entre individus, en fait, de violences inter-individuelles. Vous avez parfaitement raison. Et la judiciarisation, qui est quelquefois nécessaire, est dans l'ensemble très dangereuse. Quand vous judiciarisez tout, vous faites des lois pour tout et n'importe quoi. Je ne dis pas que le harcèlement de rue, c'est n'importe quoi. Évidemment, hein, c'est tout à fait répréhensible. Est-ce qu'il faut le judiciariser? Les statistiques montrent que ça n'a pas du tout baissé, qu'il y a un Pékin sur un million qui va être verbalisé et que ça ne change rien. Ça crée au contraire un climat d'hostilité qui ne résout pas le problème. C'est compliqué. Je veux dire, moi, je ne suis pas tellement pour la prison non plus. Donc, vous voyez, il faut savoir ce qu'on veut. Hein. Bon. en tout état de cause, il faut, la priorité, c'est de réfléchir à comment établir un dialogue. Je suis allée écouter il y a quelques mois Eve Ensler. Eve Ensler qui avait écrit Les monologues du vagin ou plus récemment Enfin sécurisé. Exactement, et qui raconte avoir été abusée, violée par son père, avoir essayé de parler avec lui, n'avoir jamais obtenu d'excuses de sa part. Et puis son père est mort et elle n'a au fond jamais supporté que cet homme ne reconnaisse pas son crime et son délit. Et elle a écrit, ce que je trouve un projet très beau, la lettre d'excuse que son père ne lui a jamais envoyée. Parce qu'elle avait besoin de ça pour se sentir mieux. Et à la suite de ça, elle a organisé des rencontres entre femmes violées et leurs violeurs. Et les hommes prenaient conscience, grâce à ces rencontres, qui étaient très difficiles à mettre en place, bien entendu, prenaient conscience du ravage qu'ils commettaient. Ils n'en étaient pas toujours conscients, il y en a beaucoup qui en sont conscients. Mais c'est un exemple qui me semble plus efficace que ces espèces de pansements sur une jambe de bois qu'on essaye de faire. En même temps, je ne peux pas complètement décourager les initiatives, qu'elles soient au niveau gouvernemental, législatif, judiciaire, etc. Mais ce qui est toujours mieux, bien entendu, c'est quand la parole circule. Quand elle est empêchée au niveau gouvernemental, c'est très embêtant. Pour elles toutes, femmes contre la prison. Gwenola Ricordo. Mon cœur se serre avec elles toutes qui ne disent rien. Celles qui ne disent rien, car elles ont peur qu'on ne les croie pas. Parce qu'elles n'écrivent pas assez bien. Parce qu'elles ne sont pas blanches. Parce qu'elles ne se souviennent plus très bien. Celles qui ne disent rien parce que c'est leur père. Parce qu'il est policier. Parce qu'il est riche et qu'il prendra un avocat. Parce qu'il est français et qu'elles ne le sont pas. Mon cœur bat à l'unisson avec elles toutes qui luttent. Celles qui manifestent, s'enchaînent, tractent, hurlent, se réunissent, pétitionnent contre les viols, les violences domestiques, les mutilations génitales, le harcèlement de rue, les assassinats, les viols conjugaux, les viols punitifs, les homicides conjugaux. Elles toutes, dont on fait si peu de cas, parce que ce sont des femmes noires, des prostituées, des femmes trans, des lesbiennes, des femmes autochtones, parce qu'elles sont ouvrières ou parce qu'elles portent le voile, parce que ce sont des femmes. Mon cœur est en prison avec elles toutes. Celles pour qui c'était écrit, depuis la rue, depuis la cam, depuis le trottoir, depuis les fugues. Mon cœur est dans les centrales et les centres de rétention, dans les cellules des mitards et dans les cellules de garde à vue. Mon cœur est en prison avec elles toutes. Mon cœur est devant les prisons et dans les parloirs avec elles toutes. Mon cœur les comprend, elles toutes. Celles qui ne croient plus en la justice de leur pays. Celles qui n'iront jamais voir la police parce que le vel d'Yves. Celles qui voudraient seulement que ça n'arrive pas à d'autres. Celles qui préfèrent oublier. Celles que la justice a laissées déçues, brisées, en colère ou malheureuses. Celles qui ont pardonné. Celles qui ont préféré écrire un livre. Celles qui voudraient juste comprendre. Celles qui diront toujours « La prison pour personne ». Mon cœur les comprend, elles toutes. Le système pénal tel qu'il existe aujourd'hui encourage les auteurs, en tout cas les personnes qui sont poursuivies, à ne pas reconnaître les faits. Vous n'avez aucune raison de reconnaître votre responsabilité dans les faits, en tout cas si les éléments qui sont contre vous le permettent. Gwenola Ricordo. Et ça aussi, ça participe de formes de revictimisation pour les victimes, puisque les faits sont niés, alors même que l'un des besoins des victimes, c'est d'être reconnu et que les faits soient reconnus. Comment est-ce qu'on peut penser un système ou des alternatives qui à la fois répond à ces besoins-là de reconnaissance et de vérité, mais qui redonne aussi du pouvoir aux victimes? Quelles alternatives on peut penser à ce système-là? Alors, on peut parler d'alternatives, on peut parler, je préfère une autre formulation qui est celle de l'autonomisation, parce que aujourd'hui, on est plus dans la capacité de construire des îlots d'autonomie que réellement de construire une alternative. Enfin bon, là, c'est d'autres débats qui sont plus liés à la question de la révolution et d'autres perspectives politiques. Mais en tout cas, s'il y a aujourd'hui dans les mouvements abolitionnistes d'autres façons de faire qui sont pensées, ça renvoie essentiellement à ce qu'on désigne par la justice transformative. La justice transformative, c'est une expression qui s'est développée beaucoup à partir des années 2010 autour de pratiques qui sont menées pour l'essentiel en Amérique du Nord, avec profondément la critique du système pénal, du système punitif, et cette idée que on peut faire mieux que le système qui nous est actuellement proposé, donc en mettant au centre la victime. Je pourrais commencer par dire que c'est d'abord des pratiques qui se sont mises en place dans des communautés qui, de fait, n'avaient pas possibilité d'avoir recours au système pénal. Donc, en particulier, des travailleuses et travailleurs du sexe, des communautés LGBT, queer, des communautés de migrants sans papier, donc des personnes qui, lorsqu'elles sont victimes, ne peuvent pas tout simplement aller au commissariat parce que elles risquent d'être à nouveau victimisées par les forces de l'ordre, elles risquent de ne pas être crues, etc. Et donc, sont nées des formes d'organisation qu'on pourrait appeler de justice communautaire, puisque le principe, c'est à la fois d'avoir la victime dans cette procédure et d'avoir les besoins de la victime au centre de cette procédure, d'avoir l'agresseur, et puis l'autre élément qui est extrêmement important, c'est l'appel à la communauté. Mais l'idée, c'est bien de sortir du face-à-face qu'il y a avec la justice pénale, hein, qui est d'avoir, pour dire les choses un peu rapidement, une personne mise en cause devant des juges. Mais là, au contraire, d'avoir aussi la communauté, puisque le but, c'est de faire changer la communauté. Alors, ça n'empêche pas de dire qu'il y a une personne qui a commis des actes et qu'elle emporte une forme de responsabilité, mais il ne lui revient pas l'entièreté de cette responsabilité, et qu'en tout cas, on ne peut pas faire l'économie de penser collectivement de quelle manière on peut tendre à empêcher que de tels actes soient reproduits. Et puis, si on veut faire changer des personnes qui ont commis des actes graves, qui ont porté préjudice à d'autres personnes, ben, on a besoin que ces personnes-là elles soient entourées par des personnes qui vont contribuer à leur propre évolution. Et là, c'est plutôt l'idée qu'on a besoin du lien social, hein. On parle de forme d'hospitalité radicale, cette idée qu'il faut aller vers les personnes qui ont fait du tort pour faire communauté et faire changer les structures sociales, faire changer les individus, leur façon de voir, qui ont permis ces actes de se produire. Alors, il ne s'agit pas de demander aux victimes de faire ça, hein, ce n'est pas du tout l'objectif, mais c'est bien de mettre en place ce qui s'appelle une responsabilité communautaire. Plutôt que de se dire qu'il faut punir, exclure, se dire que c'est l'opportunité malheureuse pour faire un changement social. Et surtout, il y avait eu Léo. Léo avait défié toute concurrence en termes de dégoût de la justice. Son affaire avait été classée sans suite par un procureur surchargé et pas très attentif, un dossier parmi d'autres qui ne s'entasserait plus dans le bureau exigu du fonctionnaire, qui disparaîtrait des statistiques. Toute la bande avait été vaccinée, plus jamais de police ni de juge. Elles avaient eu envie d'abandonner les questions déplacées, posées à 2h du matin dans un commissariat froid, par un fonctionnaire qui cherche avant tout à éviter d'avoir un viol sur les bras. Ce qu'elle voulait, c'était des réparations. C'était se sentir moins vide, moins laissée pour compte. Elles avaient besoin de faire du bruit, de faire des vagues, que leur douleur retentisse quelque part. Marcia Burnier, autrice du roman Les Orageuses, qui aborde la question de l'autojustice. Des victimes de viols s'organisent entre elles pour riposter. Les vengeances, elles les font ensemble. Elles se créent de la force ensemble. Et des fois, on n'a pas assez de force seule, on n'a pas assez de force sur le moment, mais quand on va raconter aux copines ce qui s'est passé, peut-être que là, il va y avoir un déclic et que, justement, une réparation peut être imaginée. Elle peut être collective, cette réparation. C'est aussi un appel à ça, c'est de dire arrêtons de laisser les survivantes de viol seules, en fait. Je pense que moi, j'avais envie d'écrire sur cette forme de justice réparatrice, mais un petit peu pour interroger les lecteurs et les lectrices sur le dilemme auquel on fait face quand on est victime de viol, qui est que nulle part on nous propose une réparation. Et d'ailleurs, je trouve que dans le livre, au final, il y a plein de filles qui vont obtenir des réparations qui sont très minimes comparées à ce qu'elles ont vécu. Il y a beaucoup de scènes qui sont des scènes qu'on peut appeler de vengeance, mais qui sont pas des choses qui sont extrêmement violentes, qui sont juste peut-être une petite irruption dans la vie du violeur, qui va tout d'un coup se rendre compte qu'il y a des conséquences. Mais je pense que c'est ce paradoxe-là que j'avais un peu envie d'interroger, de dire aux gens, mais qu'est-ce que vous attendez de nous ? On a un événement qui va se produire une fois ou plusieurs fois dans nos vies qui va complètement chambouler ce qu'on vit, qui va chambouler notre travail, nos relations avec les autres, qui va nous faire réinterroger pas mal de choses. Et la personne qui est responsable de cet événement-là, sa vie ne sera jamais chamboulée. Et pourquoi ce serait à nous de porter tout ce poids-là ? Pourquoi on pourrait pas le répartir un petit peu ? Parce que pour l'instant, rien n'est vraiment satisfaisant dans ce qui est proposé. La justice a une vision du viol qui est complètement déconnectée de la réalité et du coup arrive très peu à punir. On dit que c'est à peu près 1% des violeurs qui vont en prison. Ça nous laisse quand même 99% de victimes qui n'obtiennent pas la réparation via le processus judiciaire. Et voilà, moi j'avais un peu envie de donner des idées, d'aller provoquer de ce côté-là. Qu'est-ce qui se passe on décide que la personne qui nous a violés doit déménager ? Qu'est-ce qui se passe si on décide qu'elle ne peut plus travailler là où elle travaille ? Voilà. Et pourquoi ça choque autant ? Pourquoi est-ce que cette violence-là choque, alors que la violence que les victimes de viol subissent ne choque pas tant que ça ? Là, j'ai mis des choses simples de conseils pour les filles qui nous écoutent. Former un groupe de parole. Le collectif féministe contre le viol, c'est un numéro qu'on peut appeler. C'est très bien. Il y a la Maison des Femmes à Saint-Denis. Il y a le numéro 01 42 35 61 28. J'ai mis écrire et lire beaucoup. Écrire parce que tout le monde va réécrire votre histoire, tout le monde va dire, va avoir son avis. Même les policiers, quand tu leur racontes, moi j'ai lu. À un moment donné, il y a un policier qui a écrit « Et à la vue de son sexe, elle prit peur. » Je n'ai jamais dit ça. Donc lui, voilà, je sais pas ce qu'il s'est raconté. Donc les gens déforment toujours tout, puis même à la fin, au procès... t'es défendu par un avocat, enfin je veux dire c'est rarement toi, la seule fois où on te donne la parole, enfin t'es à la barre mais bon c'est compliqué, il y a celui qui t'a violé qui a un maître, donc écrire. Il y a aussi un groupe qui s'est formé là récemment, elles ont un petit texte. Nous sommes un petit groupe de meufs de la région parisienne qui avons décidé de mettre en place un premier outil pour communiquer entre nous. N'importe quelle femme ou personne non-binaire, victime de violences masculines, peut nous contacter à ce sujet. Nous n'avons pas la prétention de sauver qui que ce soit. Nous avons simplement la volonté, par la réflexion et l'action collective, de trouver et appliquer des solutions en accord avec les besoins et volontés de la personne qui nous contacte. Donc c'est des stratégies d'autodéfense ou d'accompagnement, hein, c'est pas... Et ça aussi, en fait, faut que... Nous, on veut juste plus être violés et... Que ça fasse autant paniquer tous les hommes, je comprends pas. Il y a des colleuses, tu sais, il y a les collages aussi, qui ont eu lieu un peu après MeToo, de femmes qui écrivent des noms, des textes, quoi, de soutien. Et ils sont tout le temps, tout de suite arrachés. Il y a des colleuses qui se sont fait percuter par une voiture, il y a des colleuses qui sont poursuivies par la police. C'est quoi cette panique, là, générale? Enfin, je veux dire, vous inquiétez pas, en fait. Enfin, on est juste à la poursuite de ceux qui nous ont violés. Si tu paniques comme ça. Pourquoi tu paniques ? C'était Violée, une histoire de domination. Se défendre. Avec Mathilde Forger, Anne Tonglet, Michel Larouille, les colleuses Alice, Camille, Célia et Ophélie, et leur prof d'autodéfense féministe Raphaël, Todd Shepard, Gwenola Ricordo, Laure Murat, et Marcia Burnet. Extrait des Insoumuses, lecture du Scum Manifesto de Valérie Solanas par Delphine Seyrig et Carole Roussopoulos. Lecture Sandra Calderan et Sabine Pacora. Archivina Isabelle Fort-Rendu. Documentation Radio France Annelise Signoret. Un grand merci à la constellation de personnes qui a rendu cette série documentaire possible par leur réflexion, leur soutien, leur écoute, parfois tout ça à la fois. Mathilde Forger, bien sûr, mais aussi Najat Zougari, Jules Falquet, Philippe Lyotard, Rachel Vigne, Mathieu Fouché, Julia Mora, Sylvia Alzar et Noam Denu. Prise de son, Michel Gassic, Jérémy Tuil et Nicolas Mathias. Mixage, Éric Boissé. Une série documentaire de Clémence Alzar, réalisée par Séverine Cassard.